Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission Hellbanger, le rendez-vous métal du dimanche soir sur les ondes de Radio Béton, les ondes du 93.6. On est ensemble en direct pour une nouvelle émission en différé, la 550e émission de l'histoire d'Hellbanger. Cette nouvelle émission nous permet d'honorer encore quelques petites nouveautés ce soir. Nécrophobique, Inclover, Merrimack et Dionysac pour la France, Grand Froid, Ecclesia, etc. On prendra bien le temps de se faire les petites présentations d'usage tout au long de l'émission de ce soir. L'émission que l'on va démarrer tout de suite avec une doublette, tout d'abord Skeletal Remains, le groupe de death californien, qui nous sort une bonne grosse tartine de death d'inspi old school et à la fois tradi. La formation sort là son cinquième effort studio en seulement 15 ans d'existence. Et en doublette, Judas Priest, les vétérans du heavy anglais. C'est toujours bien musclé, un album généreux, hein, cinquantaine de minutes de musique. C'est toujours hyper bien fait, Rob Halford est toujours aussi impressionnant vocalement. Après, on va pas se mentir, c'est le 19e album studio, ça apporte rien de plus, c'est juste bien fait et agréable à écouter. Au niveau des morceaux choisis, on va s'écouter tout de suite le titre Cybernetic Harvest de Skeletal Remains, extrait de l'album Fragments of the Edgeless. Judas Priest, le titre Gates of Hell, extrait de l'album Invisible Child. Sur ce, bienvenue à toutes et à tous dans l'émission Hellbanger de ce soir. première nouveauté dans l'émission de ce soir avec Necrophobic, la formation de vétérans du Black Death venus de Suède qui fêtent leurs 35 ans de carrière cette année, viennent de sortir un 10e effort studio. Le style n'est pas révolutionné hein, dans la musique de Necrophobic. C'est une recette bien identifiable à l'oreille, c'est intense, c'est catchy bien comme il faut. Les compos sont assez variés en termes de durée, ça va de 4 à 8 minutes. Voilà, le groupe laisse toujours de la place assez généreusement à des passages plus mid-tempo et atmosphériques, voilà, pour le côté black de leur death suédois, si vous suivez bien. Donc voilà, encore une belle réussite, ce nouvel effort studio de Necrophobic. Midnight, ensuite, la formation américaine qui est déjà de retour avec un nouvel effort studio longue durée. Quasi pile poil 2 ans après le très très bon Let There Be Witchery, le 6e effort du groupe voilà, qui est actif depuis 20 ans, 10 morceaux pour 25 minutes. C'est punk, c'est brut, c'est bien salace. Et c'est ouais, vraiment black punk, bien comme il faut, c'est crado à souhait. Necrophobic, Clavis Inferni, extrait de l'album In the Twilight Grey. Midnight, Nuclear Savior, extrait de l'album Hellish Expectation. C'est parti. Pour la doublette suivante, encore une nouveauté. Mais tout d'abord, on va s'écouter un nouvel extrait du dernier effort studio de Atoll. La formation de Brutal Death qui nous vient de l'Arizona, active depuis un peu moins de 10 ans, vient déjà de sortir son cinquième effort studio, 6 mois après le précédent, qui était sorti au cours du mois d'août l'année dernière. Deux albums qui forcément se ressemblent pas mal, 9 compos, 29 minutes d'un putain de Brutal Death légèrement slamisant, ça tartine, ça groove, et la basse sonne magnifiquement bien, ce qui rajoute un peu plus de patate à la musique que nous propose Atoll. Et la deuxième nouveauté dans l'émission de ce soir, In Clover, le groupe de hardcore venu de Belgique qui vient de sortir un nouvel EP. Il fait suite à un précédent EP qui avait vu le jour en 2021. Et là, on a 6 nouvelles compos pour une vingtaine de minutes. En feat, on peut retrouver dessus les vocalistes de Cauldron et autres Guilt Trip. In Clover, ça fait quelques années que je suis la formation belge. Ça a toujours été à mon goût quelque chose de très qualitatif. Là par contre ça devient vraiment des clients très très sérieux sur la scène hardcore belge. Enfin pour moi ça suit bien intelligemment ce que peut nous proposer un Mind War. Atoll, on s'écoutera Missionary Opposition, extrait d'album Inhuman Implants, une sortie Unique Leader Records. In Clover, Left to Suffer, extrait de l'EP Lowest Form. Et tout ça, c'est déjà dispo. doublette suivante du Speed et du Crassou et du Old School avec Iron Curtain et Morta Skuld. Qu'est-ce qu'on peut dire de ces deux formations qu'on vous diffuse depuis une paire de semaines maintenant ? Iron Curtain, la très très bonne formation de Heavy Speed venue d'Espagne, active depuis une quinzaine d'années maintenant, sort là son cinquième effort studio. Aucune surprise, hein, 40 minutes d'un speed metal qui dégouline les années 80, c'est speed, c'est trash, c'est heavy trad bien comme il faut, ça va chercher dans les inspires des premiers Running Wild et Gravedigger pour le côté allemand, et le côté punk de Motorhead, c'est joué avec conviction et c'est ultra efficace ce que nous proposent les Espagnols. Morta Skuld, ensuite les vétérans du death metal américain, ils sortent là leur 7ème effort studio. Pour situer un peu la formation, c'est... un groupe contemporain des premiers Obituary, Monstrosity, Cannibal, etc. Parce que le groupe s'est formé en 90, 4 albums ont vu le jour entre 93 et 97, et il y a eu un très long split de 15 ans, et il y a une dizaine d'années, Morta Skuld est revenu aux affaires. Voilà, un nouvel effort death metal bien axé sur les années 90, ça cogne, c'est groovy, et on va pas bouder notre plaisir, bien au contraire. Au niveau des morceaux choisis, tout de suite, on va s'écouter Iron Curtain, le morceau Tiger Speed, extrait de l'album Savage Dawn. Morta Skuld ensuite, Unforeseen Obstacles, extrait de l'album Creation Undone. Et tout ça, c'est déjà dispo. Yeah! Vous êtes toujours à l'écoute d'Hellbanger, l'émission métal du dimanche soir sur les ondes de Radio Béton, les ondes de 93.6. On attaque tout de suite l'aspect française en haine et en violence avec une première nouveauté, un extrait du nouvel effort du groupe Merrimack, la formation black metal francilienne. C'est des vétérans hein, sur la scène française, hein, parce que là ils fêtent au passage leurs 30 ans de carrière. Et c'est le premier album qui voit le jour 7 ans après le très très très très bon Omegaphilia qui était sorti en 2017, c'est Season of Mist. Merrimack sur scène, c'est hyper intense et excellemment bien maîtrisé. Comme le précédent effort, 7 compos pour un total de 50 minutes de musique. Les titres sont généreux dans leur ensemble, toute l'expérience vraiment du groupe se déroule tout au long de, chacun des morceaux. C'est travaillé, c'est haineux, c'est mystique et ça vous attrape à la gorge dès le début. Warsdopt ensuite, là c'est pareil, ça on se fait attraper à la gorge Geotrip. Nouvelle EP pour les coreux parisiens, la suite de leur album Extinction qui était sorti en 2021. Un petit 5 titres et au passage une signature chez Death Record pour une distribution outre-Atlantique. Et c'est le batteur de Sanguisigabog qui s'occupait du mix et du master. Au niveau des morceaux choisis, on va s'écouter Merrimack Sulfuran Synods, extrait de l'album Of Grass and Gravity. L'album est toujours sorti chez Season of Mist. Warsdopt ensuite, extrait de l'EP Immortal Pain avec le morceau Machine Way. C'est parti. Yeah. Encore de la nouveauté dans l'aspect française avec Dionysac, formation qu'on diffuse, je crois bien, pour la toute première fois. C'est du Doom, ça vient de Strasbourg, c'est actif depuis 10 ans. Ils sortent enfin leur premier album studio longue durée après deux démos. 6 compos, 2 interludes, 50 minutes d'un Doom atypique qui se veut assez primitif, très rugueux, bien old school. L'album a été enregistré en conditions live en 5 jours seulement. Musicalement, on peut situer ça entre un Cathedral, Candlemas et un vieux Black Sabbath, des lignes vocales à la fois grandiloquentes et théâtrales, avec un côté presque danse de l'homme sous. Voilà, grosse référence forcément à la symbolique derrière le nom du groupe. Le belter, c'est également le cogneur fou de chez Proudhon, et à la basse, un Zikos bien connu, puisque c'est un membre de Sacrificer, Malevolentia, etc. Donc voilà, la scène du Grand Est qui se rejoint une fois de plus dans les rangs de Dionysac. A noter que Dionysac sera présent sur la scène du Temps Machine dans quelques semaines, pour notamment ouvrir en compagnie de Bellwitch. Avec Dionysac, les Bâtards du Roi, récente formation de black metal orléanaise, formée en 2022, pardon. Premier effort studio qui voit le jour chez Lord Alinoir, le label nantais. 8 compos, 4-5 minutes chacune, c'est typiquement du black français, hargneux, médiéval dans les thèmes. Voilà, très très beau potentiel, et on n'est pas sans avoir une petite pensée pour Worms quand on écoute la musique de Les Bâtards du Roi. Dionysiac, le morceau Violet Venom, extrait album Diogonos. Les Bâtards du Roi, Tourment, extrait de l'album éponyme Les Bâtards du Roi.